2, 1. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai pas dû installer Reaper comme il faut. Non. New track. Ah, ça.